Rosalie par Yvon Stranick. Un triste jour d'hiver, M. du Miremont, septuagénaire débile, rentrait chez lui à petits pas saccadés et rapides, le visage renfrogné, comme s'il fuyait devant un invisible quémandeur qui l'eût talonné. Il baissait les yeux par crainte de reconnaître un ami. Il ne tenait guère à s'arrêter par ce temps âpre, moins encore à découvrir son crâne frileux. Il revenait de la banque et faisait mentalement des comptes. Sa fortune était imposante. Il s'agissait pour lui d'en jouir le plus longtemps possible et à sa guise, autrement dit, d'amasser frénétiquement. Il arriva chez lui sans encombre, et toujours, trop au menu, il pénétra dans son cabinet de travail. Après une furtive inspection de la pièce, il s'assit à sa table, bomba le dos, écarta les coudes, recompta, en le cachant avec ses mains, son argent et finalement le serra dans un tiroir secret. Chaque fois que M. de Miremont rapportait de l'argent, ce qui arrivait souvent, car il ne gardait chez lui que de faibles sommes, il éprouvait les mêmes inquiétudes fébriles. Cependant, ses domestiques étaient éprouvés et sa nièce, Mademoiselle Dorothée, désintéressée comme une enfant ou une religieuse. À peine eut-il glissé la clé dans sa poche, il pensa qu'il s'était trompé, qu'il avait égaré un billet, et il allait recommencer ses comptes lorsqu'on gratta à sa porte. Il fit une grimace. On l'épiait, évidemment. On s'amusa à le déranger lorsqu'il voulait être seul. Il était curieux de sa nature et perpétuellement alarmé. Quelque chose se passait peut-être seul dans la maison qu'il était seul à ignorer encore. « Entrez » grommela-t-il. Mademoiselle Dorothée apparut sur le seuil. Elle était petite, maigre. Elle avait d'admirables cheveux noirs et des yeux bleus étrangement clairs et tranquilles. Ses mouvements étaient souples, sa mise austère. Elle avait 30 ans et en portait 30 ou 40, tantôt 15. En entrant, elle ne regarda pas du côté du tiroir, comme M. de Miremont le craignait déraisonnablement. Elle le regarda, lui, bien en face, de ses yeux impassibles. Mais ce qu'elle avait dit avait trait à l'argent et tout de suite sembla fort désagréable à M. de Miremont. Notre frotteur est mort hier soir. Il laisse sa femme et ses 3 enfants dans la misère. Je fais une collecte pour eux. Vous plairait-il de donner quelque chose ? M. de Miremont haussa les épaules, serra les mains l'une contre l'autre et ricana de façon méprisante. Faites une collecte, c'est parfait. Mêlez-vous des affaires des autres et donnez de l'argent. Donnez-en beaucoup puisque vous en avez à jeter par les fenêtres. Mais ne venez pas m'en demander. Je ne puis pas me charger de tous les paresseux qui ne veulent pas se tirer d'affaires eux-mêmes. Mademoiselle Dorothée n'avait qu'un très mince revenu. Elle soignait son oncle comme la plus dévouée des gouvernantes, mais elle n'avait jamais eu l'occasion de rien accepter de lui. D'ailleurs, elle ne s'en plaignait pas. « J'ai donné ce que j'ai pu, » dit-elle. « Les domestiques aussi se sont cotisés. »« Parfait, parfait, je le répète. Ceux qui me dévalisent peuvent se permettre des largesses. » L'indignation de M. de Miremont croissait de minute en minute. Il glapissait, en s'interrompant de petits rires sardoniques, des phrases blessantes et sottes. Mademoiselle Dorothée le laissait dire. Même pendant un temps assez long, elle activa cette colère sénile, en argumentant pour ses protégés. Puis elle s'en alla, aussi sereine qu'elle était venue. M. de Miremont se renversa dans son fauteuil. « Ils me tourmenteront toujours, » murmura-t-il. Il voulut se fâcher encore, mais il s'aperçut que sa provision de colère était épuisée. Il se sentait plus à son aise, plus lucide qu'avant la visite de Mademoiselle Dorothée. Ce petit incident, désagréable en lui-même, l'avait arraché à l'obsession des chiffres, replongé dans la vie habituelle. C'était ce que Mademoiselle Dorothée voulait. Avec l'infaillible instinct d'une infirmière, elle savait toujours ce qui se passait dans l'esprit de son oncle. Elle l'avait vu irrité dès le matin. Et elle avait parlé de cette quête pour amener une détente des vieux nerfs malades. Abandonné à lui-même, il se serait longtemps tourmenté. Il dormit un peu dans son fauteuil, fit 50 fois le tour du jardin et à l'heure du dîner, événement important de la journée, il avait son visage des meilleurs jours. Il mangea attentivement, et beaucoup, avec une sage lenteur. Et il trouva peu de choses à redire au menu, très différent, et bien plus copieux que celui de sa nièce. Chaque soir, après le dîner, Mademoiselle Dorothée s'efforçait d'établir entre son oncle et elle une causerie douce, évocatrice de souvenirs flatteurs pour lui. Cela le mettait en paix avec lui-même avant la longue nuit. Elle l'avait observé. Ce singulier bonhomme, égoïste et dur, tenait à prouver qu'il avait suscité beaucoup d'affection. Ce soir-là, elle dit, levant les yeux, comme par hasard, sur un portrait de dame âgée. Quel doux et charmant visage !» Cette phrase avait déjà si souvent servi en de telles occasions que Mademoiselle Dorothée douta de son efficacité. Elle la renforça, charitablement flagorneuse. « Vous ressemblez à votre mère, ce sont les mêmes traits. »« N'est-ce pas ?» répondit M. de Miremont. « C'était une sainte et digne femme, et elle m'aimait tant. Vous vous rappelez, Dorothée, qu'elle m'aimait beaucoup. » Lorsque la vieille Madame de Miremont était morte, Mademoiselle Dorothée avait 12 ans. Elle se rappelait surtout, parce que cela seul était remarquable, que la vieille dame craignait son fils. Souvent elle disait, en se tordant les doigts, « Paul va encore me faire une scène affreuse. » Mais elle le ménageait, parce qu'il était l'aîné de la famille, le seul riche et qu'à force de prières, elle lui extorquait de l'argent pour ses autres fils, charmants, mauvais sujets, tous morts à présent. « Oui, » répondit doucement Mademoiselle Dorothée, « elle mettait toute sa confiance, tout son espoir en vous. » Mes frères lui ont fait bien du chagrin. Vous saviez cela, Dorothée. Vous remédiez à ses peines. Le visage de M. de Miremont s'éclaira. Il voulut remuer des souvenirs plus précieux encore. Vous étiez l'ami de ma femme, Dorothée. Elle était belle, ah, bien belle, et si dévouée. Oui, répéta Mademoiselle Dorothée, elle était belle. Et plus bas, elle vous était absolument dévouée. Tous deux se turent un instant. Mademoiselle Dorothée pensait à cette jeune femme que M. de Miremont, vieux déjà, avait épousée. Elle était morte, après 3 années de mariage, affirmant qu'elle était heureuse parfaitement. Elle le répétait sans cesse, comme pour s'en persuader elle-même, mais il y avait un désespoir farouche au fond de son regard, et le sourire ne revint se poser sur ses lèvres qu'avec la mort. Mademoiselle Dorothée et son oncle marchaient en causant. Ils traversaient les pièces qui se suivaient en enfilade, revenaient ensuite lentement sur leurs pas. Monsieur de Miremont cherchait des yeux quelque objet témoin de sa bonté, de l'affectueuse reconnaissance qu'il inspirait. Il ne trouva rien, et s'arrêta enfin devant une vieille armoire où étaient rangés ses livres de classe, ses cahiers et ses dessins d'écoliers. La vieille maman avait jadis serré là de chers objets qui avaient appartenu à ses enfants. Mais peu à peu, M. de Miremont avait jeté et brûlé tout ce qui n'était pas à lui, gardant comme des reliques ses paperasses puériles. Il fit une minutieuse révision de ce musée, admira un dessin, examina, rêveur, sa signature de gamin prétentieux. « Dorothée, ce n'est pas mal pour un enfant de 12 ans. Mon professeur faisait grand cas de moi. »« C'est très bien, » dit Mademoiselle Dorothée, « très hardi. » Mais tout à coup, M. de Miremont fronça les sourcils. Il venait d'apercevoir un vieux carton rose qu'il ne connaissait pas et qui était comme un profane dans ce sanctuaire. « Il faut jeter cela, » dit-il à Mademoiselle Dorothée avec une grimace de dégoût. « Pas de fatras, de ridicule vieillerie. » Il lança le carton rose dans un coin de la pièce. Son attendrissement passé, il craignit de dormir mal. Il se sépara de Mademoiselle Dorothée en grognant. Mademoiselle Dorothée était malheureuse, elle aussi. Son répertoire de souvenirs agréables était vraiment trop mince. Et répété ainsi, chaque soir, il semblait s'appauvrir encore. Elle n'avait plus l'entrain nécessaire pour tirer tout le parti possible de cette petite source d'émotion, la vieille mère, la jeune femme, et puis elle se rappelait trop les souffrances de ces deux femmes. Dans sa chambre, elle ouvrit machinalement le carton rose qu'elle avait ramassé. Il ne contenait que du papier à lettres, jaune et fané mais intact. Chaque feuillet était orné d'une vignette sentimentale, deux colombes sur une branche de laurier, un cœur traversé d'une flèche, une pensée. Les droits de lettres qu'on devait écrire sur du papier comme celui-ci, il y a tant d'années, songea-t-elle. Mademoiselle Dorothée se rappela les façons cérémonieuses, aimables excessivement et fades, des vieilles dames qui avaient entouré son enfance. Elles se faisaient les unes aux autres, des compliments à n'en plus finir, en guirlandant le plus simple billet, une invitation à dîner, la demande d'un renseignement banal, de protestations tendres, presque de serments. Que devait être leur lettre d'amour? Mademoiselle Dorothée rit un peu tristement. Elle eut la fantaisie de pasticher une de ces lettres d'amour qu'elle croyait voir. Ce serait charmant, sur ce vieux papier, orné de colombes. Son encre était trop nette, trop brutale. Elle la délaya avec de l'eau. Puis, pinçant les lèvres et minaudant sans le savoir, Elle traça d'une petite écriture élégante et surannée des phrases suaves. Elle les adressait à M. de Mirmont, qu'elle appelait « ami très aimé ». Elle lui disait son admiration, lui trouvait une âme délicate et généreuse, un incomparable génie. Elle lui avouait le trouble joyeux qu'elle éprouvait à leur brève rencontre dans le monde, son désespoir lorsqu'il devait s'éloigner d'elle, parler à d'autres femmes. Tout cela était dit un peu gauchement, mais avec gentillesse. Pour empêcher la passion d'être par trop franche, mademoiselle n'aurait pas su écrire en amante heureuse. Elle fit allusion à un devoir sacré qui mettait entre la dame et M. de Mirmont une infranchissable barrière. Il fallait une signature. Elle mit au hasard Rosalie et trouva que cela faisait bien. Elle relut son œuvre. C'était une petite merveille de tendresse falote. Amusée, elle prit une autre feuille. Rosalie balbutia et roucoula encore, timide, follement éprise et vertueuse. Dans la troisième et la quatrième lettre, elle fut surtout reconnaissante, exalta le caractère chevaleresque de Paul, son héroïque respect d'elle. Dans la cinquième, elle sanglota, brisée par une inévitable et définitive séparation. Mademoiselle Dorothée ne riait plus. Elle plia soigneusement ses cinq lettres et les rangea dans le carton rose après l'avoir vidé des feuilles inemployées. Ensuite, elle y entassa de vieux rubans à elle, un gant et des fleurs de son herbier. Le lendemain soir, après le dîner, elle fut tout étonnée de s'entendre dire à M. de Mirmont « Je crois que le carton rose que vous m'aviez dit de jeter contient des lettres. Vous devriez voir. Des lettres? Vous les avez données. Les voici. » Elle tremblait et savait qu'elle pâlissait. M. de Mirmont se fit apporter ses lunettes et se mit à lire, debout, tendant la feuille à la lumière de la lampe. Soudain, la lettre s'agita dans sa main. Il dit à sa nièce, d'une voix altérée, « Laissez-moi, je vous prie. » Mademoiselle Dorothée se sauva, plus morte que vive. Au bout d'une heure, il la rappela. Il était tout changé, vieilli encore, mais joyeux, confus et attendri. « Dorothée, avez-vous jamais entendu parler de Rosalie ?»« Peut-être, » balbutia Mademoiselle Dorothée. « Oui, je crois que ma vieille bonne m'a parlé d'une dame très belle qui s'appelait Rosalie. »« Oui, oui, mais Rosalie comment? Dites le nom entier, vous devez le savoir. »« Non, j'étais toute petite. » Ma bonne est morte depuis si longtemps. Rosalie, ah, ingratitude du cœur humain, je l'avais presque oubliée. Maintenant encore, je ne sais plus que son prénom. Il fallait le hasard de ce carton retrouvé, hasard providentiel. Il se cacha le visage avec ses deux mains. Lorsqu'il les abaissa, Mademoiselle Dorothée vit qu'il avait pleuré. Elle-même grelottait d'émotion et attendait anxieusement. Il déclara avec solennité, « Dorothée, je puis vous le dire, car cet épisode de ma vie est infiniment pur et beau. Rosalie m'a adoré. » Mademoiselle Dorothée crut s'évanouir de joie. À partir de ce soir-là, l'existence de l'oncle et de la nièce fut changée. Rosalie leur fut secourable merveilleusement. Lorsque M. de Mirmont voulait des louanges à sa bonté, il en trouvait dans les précieuses lettres. C'était des preuves palpables, évidentes. Peu à peu, il s'appliqua à mériter ses louanges. Il ne s'irrita plus contre les pauvres. Il s'aperçut que Mademoiselle Dorothée se privait du moindre luxe. Il se mit à la gâter comme il pouvait, et lui disait en souriant, « Je sais que vous me croyez avare et dur. J'ai toujours été méconnu, mais Rosalie me comprenait, elle. Lisez ce passage. » Et pliant pudiquement le feuillet pour que les phrases de passion n'apparussent pas, il indiquait à Mademoiselle Dorothée ce qu'elle pouvait lire sans indiscrétion. Très vite, Mademoiselle Dorothée crut elle aussi à l'existence de Rosalie. Mille détails gracieux vinrent d'eux-mêmes se grouper autour du bienfaisant fantôme et lui donner une indiscutable réalité. Chaque ruban du carton rose, chaque fleur séchée, surtout le gant, avaient leur histoire touchante et sublime. Lorsqu'elle songeait à Rosalie, Mademoiselle Dorothée fermait les yeux et voyait une femme charmante et modeste, au bandeau très lisse, aux longs cils baissés. Elle croyait sentir un parfum délicieux. Une fois, M. de Mirmont lui dit « C'est beaucoup, mon enfant, d'avoir eu un semblable amour dans sa vie. » Elle pleura de tendresse. « Bénissons, Rosalie, » continua M. de Mirmont, « elle a été le grand bonheur de ma jeunesse. Son souvenir fait le charme de mes vieux jours et, il hésita un instant puis ajouta, très bas, « et me rend meilleur. » Mademoiselle Dorothée répondit avec une ferveur véritable. « Bénissons Rosalie !» Ainsi s'achève Rosalie par Yvan Stranick.